Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici l'essentiel. Les chrétiens du Burundi se sont joints aux autres du monde pour célébrer la fête de Noël. Dans son homélie, l'archevêque du diocèse catholique de Bujumbura a rappelé les leaders d'être de militer pour tous. Et l'association burundaise des radiodiffuseurs ABR a apprécié positivement la libération des quatre journalistes du groupe de presse Iwachu par la grâce présidentielle. Et les communes Bugabira, Busoni et Bgambarango de la province Kirundo, nous sommes au nord du pays, pourraient avoir des faibles productions du maïs, déplore l'inspecteur provincial phytosanitaire. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue pour les détails. Albert Ndouaye est à la cabine technique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, les chrétiens de la ville de Bujumbura se sont joints aux autres du monde entier pour célébrer la fête de Noël. Ces derniers disent que cette fête leur rappelle la naissance de Jésus-Christ. Ceux qui sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent qu'ils vont partager ce qu'ils ont eu avec les pauvres comme le préconisent les enseignements de Jésus-Christ. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney, de Jean-Marie Mayonga. C'est la fête de joie qui nous rappelle la naissance de notre Sauveur. C'est une fête qui nous rassemble avec les autres pour dialoguer et partager tout ce qu'on a. Mais que cela ne soit pas fait seulement le jour de fête de Noël. Ça serait bien si nous le commençons avec le nouvel an et qu'on continue ce parcours pour arriver à une autre fête de Noël en partageant avec les autres et de ne pas croire que la vie commence et se termine au jour du Noël seulement. Cette fête me rappelle la naissance de Jésus-Christ, être heureux avec les amis, partager ce que nous avons eu. Ça me rappelle la naissance de Jésus. Chose importante, c'est l'entraide mutuelle et le partage de ce que nous avons eu avec ceux qui n'en ont pas. Pour bien fêter Noël, il faut que les gens se mettent ensemble pour partager ce qu'ils ont, afin que la joie soit partagée par tous. Il y a ceux qui ont eu de quoi mettre sous la dent et d'autres n'en ont pas eu. Mais l'important est de partager et être ensemble avec les amis et les membres de la famille. Et l'association des transporteurs du Burundi Atrabou menace des sanctions des transporteurs qui haussent les prix en cette période de fin d'année. Charles Nirameba, secrétaire général et porte-parole de l'Atrabou, appelle les responsables régionaux de cette association de veiller au respect des prix sur les parkings. Suivez-les, il est au micro d'Aubin Nyonghuru. L'association des transporteurs du Burundi à Trabou a tenu plusieurs réunions à l'intention des représentants des autres, que ce soit ici à Miendo, Bujumbura, même à l'intérieur du pays, et pour effectivement leur montrer la dangerosité de revoir la hausse du ticket de transport. En général, donc, la Trabou a déjà constaté que le respect du ticket de transport a été respecté aujourd'hui. Mais il y a des informations selon lesquelles, par exemple, le déplacement de la province de Kirundo vers Ngozi ou de Kirundo vers Bujumbura, où les tickets ont été revus à la hausse. À titre d'exemple, le trajet qui se faisait à 5000 francs bout est passé à 8000 francs bout. Là, quelles sont les décisions que vous allez prendre à l'encontre de ceux qui n'ont pas respecté ces prix? Bon, ce que nous avons constaté, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons passé toute l'avant-midi sur le terrain et nous avons constaté que certains transporteurs voulaient assimiler le ticket de transport qui rondo vers Ngozi où le ticket a été revu à la hausse. C'est une occasion à jamais pour interpeller les responsables de la Trabou dans les provinces de Ngozi et de Kirundo. Il y a aussi un responsable régional de la Trabou et des provinces Kirundo, Ngozi, Muyinga, et d'immédiatement se mettre au travail afin qu'ils puissent interpeller ces récalcitrants qui ne veulent pas respecter le ticket de transport. L'association des transporteurs du Burundi à Trabou recommande à tous ses membres de ne pas revoir à la hausse le ticket de transport pendant les fêtes de fin d'année. Et ce n'est pas uniquement le ticket de transport, il y a aussi et le mauvais chargement. Ils doivent continuer à charger les passagers qui correspondent avec les places de leur véhicule, mais aussi de respecter la loi de la circulation routière, surtout pour ce qui concerne la vitesse exigée par la loi. Donc, c'est un message que la Trabou a déjà lancé à maintes reprises avant les fêtes de fin d'année. Je vous le disais tantôt, tout leader doit militer pour tout le monde et sans distinction aucune. Cet appel ressort du message du pape Francisco de ce 25 décembre, jour de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Suivez l'extrait de l'homélie de Gervais Banchimoumoussa, l'archevêque du diocèse catholique de Bujumbura, lors de la messe célébrée à la cathédrale Regina Mundi, dans cette traduction française d'Evariste Ndikobanyang. Mubyeyi wacu papa ashingiye ku ijambo ry'Imana rya wa mugani w'umunyasamariya w'ikigongwe aremeza kumuntu aremeza kandi ku S'appuyant sur la parole biblique du bon samaritain, le pape François confirme qu'un bon leader, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. Il réaffirme que ce sacrifice ne se passe pas entre les individus, mais doit se concrétiser au sein de la société et au niveau du pouvoir. Pape François se sert de l'exemple pour dénoncer ce qui n'est pas juste et pour indiquer le chemin à prendre pour arriver à une vraie cohésion sociale. S'il se sert de ce qu'il voit dans les pays riches et pauvres, le pape François explique des choses inquiétantes en dénonçant ceux qui se disent travailler pour la population alors qu'ils travaillent pour leurs propres intérêts. Il indique que ces autorités ne sont pas ouvertes aux autres et restent fermées sur eux-mêmes, comme si les créatures de Dieu n'appartiennent pas à tout le monde. Cela étant, personne n'aurait sa place dans la société si la situation reste ainsi. Isanganiro. À 13h02 dans l'est de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. L'association burundaise des radiodiffuseurs ABR se réjouit de la libération des quatre journalistes et du groupe de presse iWatch par la grâce présidentielle. Ces journalistes ont été relâchés après plus d'une année d'emprisonnement à la prison centrale de Bubanza, accusés de tentatives impossibles de complicité d'atteinte à la sûreté et intérêt de l'État. Onésime Haroubounou, président de l'ABR, trouve que cette décision est un signe de garantie de la liberté de la presse au Burundi. Il explique que l'emprisonnement des journalistes ternit l'image du pays. Je propose de le suivre. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour cette libération de nos collègues et journalistes du groupe Watch. Nous avons à maintes reprises plaidé pour la libération de fisc provisoire. Aujourd'hui que la libération est définitive, c'est un sujet de joie. Nous nous en réjouissons et nous profitons aussi de cette belle occasion pour féliciter nos journalistes, nos collègues et journalistes du groupe Watch. Nous remercions Son Excellence le Président de la République pour cette bonne décision et son gouvernement, effectivement. Nous profitons aussi de demander aux journalistes, dans le traitement de l'information, de respecter la loi, l'éthique et la déontologie professionnelle en travaillant, pensant sur la responsabilité sociale dans tout ce que nous faisons comme traitement de l'information. La libération de ces quatre journalistes du groupe de presse Iwachu est un signe de garantie de la liberté de la presse au Burundi. Effectivement, nous disons effectivement que vraiment c'est un grand signe de la liberté de la presse dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, si tous les journalistes sont au travail, c'est vraiment la liberté. J'avais toujours demandé la libération, effectivement, pour que la liberté de la presse ne soit pas bafouée. Quand les journalistes sont emprisonnés, les gens à l'extérieur ont beaucoup de questionnements par rapport à la liberté de la presse. Aujourd'hui, comme la décision est prise au plus haut niveau par Son Excellence le Président de la République, c'est un geste parlant qui montre que la liberté de la presse au Burundi est au top. Onésime Haroubounou, il est président de l'ABR, il était au micro de l'Inibel Nibigira. Un homme a été arrêté ce jeudi par la population en collaboration avec la police sur la colline Rugenge de la commune Manda en province de Bubanza. Il a été conduit au cachot du commissariat communal de Manda. Selon les témoins sur place à Rugenge, il est accusé d'avoir tué son épouse qui a été trouvée morte dans la maison. Le présumé auteur a d'abord nié les faits, mais par après, il a avoué avoir tué sa femme, mais sans expliquer la cause selon les mêmes sources. Au niveau de l'administration, l'un explique que ce couple était en conflit et que la femme tuée interdisait à son mari de fréquenter une concubine. Le gouverneur de Bubanza déplore la persistance du comportement du concubinage et rappelle que des lois sanctionnent ce genre de comportement. Cléophas Nzigimana met en garde les gens qui procèdent au règlement de compte au lieu de saisir la justice. Et pour boucler cette édition à Kirundo, le rendement du maïs pourrait sensiblement diminuer dans cette saison suite aux chenilles légionnaires qui ont dévasté les champs de cette culture dans les communes de Wusoni, Bugabira et Bgambarangwe de cette province du nord du pays. L'inspecteur provincial phytosanitaire Kilodi demande à la population victime de cette aléa d'utiliser les techniques manuelles pour ramasser ces chenilles à Baran Safari. Dans les communes de Wusoni, Bugabira et Bgambarangwe, les champs de maïs sont dévastés par les chenilles légionnaires. Les agriculteurs font savoir qu'ils n'auront presque rien, car ces chenilles ont commencé à apparaître dans ces champs avant qu'ils portent des épis de maïs. La perte sera très énorme, signalent ces agriculteurs, surtout qu'ils avaient contracté des dettes auprès des microfinances pour les rembourser après la récolte. Selon Ignace Manrakiza, inspecteur phytosanitaire au sein du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, la récolte sera sensiblement diminuée compte tenu du rendement attendu. Il nous a fait savoir que les chenilles légionnaires sont visibles presque dans toutes les communes de la province de Kirundo, mais les plus touchées sont les trois déjà citées. Il poursuit en disant que les champs de grande étendue, comme ceux des coopératives, ont été sérieusement dévastés. Il demande toutefois à la population victime de cet aléa d'utiliser la méthode mécanique pour chasser ces chenilles, car la méthode chimique connaît plusieurs effets sur la santé humaine. La même tactique pour chasser les criquets puants est toujours conseillée, insiste-t-il. Il termine en disant que les criquets puants, qui avaient monopolisé les collines de la commune de Kirundo, sont chassés jusqu'à plus de 95%. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Au revoir.